Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89,1. Et pour poursuivre l'émission, nous allons maintenant naviguer dans les océans qui bordent le Canada. Ce périple, nous allons le faire en compagnie de Yuan Zhengli, qui est étudiante à l'Université Laval. Bonjour Yuan Zheng, pardon. Bonjour Valérie, merci beaucoup pour m'avoir invitée. Ah bah bien, merci de venir. Donc dans un premier temps, je vous demanderai de vous présenter, que nos auditeurs sachent qui vous êtes. Bonjour, je m'appelle Yuan Zhengli, étudiante au doctorat en sociologie de l'Université Laval. Je suis aussi un membre étudiant de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Créé en 2005, l'Institut ODS rassemble une quarantaine de chercheurs, professeurs et puis 180 étudiants membres provenant de différentes disciplines en médecine, en sociologie. Interdisciplinaire. Oui, c'est ça. Donc, vous travaillez sur la gestion écosystémique des océans du Canada. Mais pour bien mettre en contexte, je pense qu'il faut dire ce que ça, faudrait expliquer un petit peu ce que ça veut dire, gestion écosystémique. Oui, c'est ça. En fait, j'aimerais bien d'abord vous présenter brièvement, en fait, le projet de recherche et l'approche écosystémique. En fait, c'est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada a octroyé un financement pour étudier la gestion écosystémique des océans. Il s'agit d'un projet de recherche sous la direction du professeur Louis Gay. Donc, plusieurs étudiants, en fait, on travaille là-dessus. Moi, je travaille sur le Canada. Votre invité, Emiliano Scani. Oui. Oui. Il travaille sur les États-Unis, par exemple. D'accord. Nous sommes cinq. La gestion écosystémique, selon un chercheur aux États-Unis, en fait, c'est un concept qui intègre connaissances scientifiques des relations écologiques au sein d'un cadre assez complexe, notamment sociopolitique et des valeurs, pour la protection de l'intégrité écologique. Donc, en fait, son objectif général, c'est vraiment pour le maintien de l'intégrité écologique. Donc, en fait, il y a plusieurs objectifs, mais en gros, la gestion écosystémique, c'est considéré comme une réponse de la crise biodiversité qu'on a connue. D'accord, donc c'est pour essayer de peut-être pas exploiter nos ressources à fond, mais de les exploiter tout en assurant leur maintien. Tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. D'accord. Donc là, bon, on est dans les océans autour du Canada, puis je pense qu'il y a quelques particularités. Le Canada, c'est assez grand. Donc, oui. Il y a aussi beaucoup d'océans autour. Oui, c'est ça. Et avant de commencer de parler du Canada, pour le gouvernement du Canada, le concept de la gestion écosystémique est un peu différent par rapport à la conception du chercheur en question. Pour le Canada, il s'agit vraiment d'une approche qui considère l'ensemble du système écologique. Donc, on parle plutôt au sein du système et les stratégies de la gestion. Selon moi, il me semble que c'est un peu plus restreint. Le Canada utilise un autre terme, en fait, c'est la gestion intégrée. Ah oui. J'ai l'impression, mais je n'ai jamais lu, on a écrit là-dessus pour comparer les deux concepts, mais j'ai l'impression moi-même, ici au Canada, on utilise beaucoup le terme gestion intégrée. Il me semble que c'est équivalent de la gestion écosystémique qu'on utilise. Parce qu'au fond, on intègre aussi plusieurs données qui viennent de plusieurs domaines pour essayer de, donc, des écosystèmes sociologiques, économiques, etc. Donc, on intègre toutes ces données-là, finalement. Oui, donc, le Canada, on utilise souvent le thème de la gestion intégrée. Le Canada, vous savez très bien, c'est un pays maritime. Donc, déjà, on possède le plus long littoral du monde, soit 244 000 kilomètres, et plus de 20... excusez-moi, c'est 244 000, plus de 20% de sa population, soit 7 millions, vit à l'intérieur des zones côtières. Puis il y a aussi trois océans aussi autour du Canada. Oui, il y a trois donc océans. Ça fait des milieux, des écosystèmes différents entre oui. l'Atlantique, le Nord et puis le Pacifique. Le reste, oui. Ouais, c'est ça. Tout ouais. à fait. Et ainsi, il y a, en termes de retombées économiques, c'est très important. Ça représente 22 milliards de dollars en termes de retombées des activités. Ouais. Je crois aussi que le Canada a été, bon, peut-être dû à cette particularité, que c'est un pays maritime, que c'est une économie importante, c'est une ressource économique importante. Donc le Canada a été aussi le premier pays à établir une loi sur les océans. Oui, en effet, le Canada est devenu le premier pays à adopter cette loi. Cette loi, en fait, plusieurs définitions importantes découlent de cette loi, notamment... les zones maritimes et puis les zones économiques exclusives. Mm-hmm. On a défini dans la loi et ainsi est définie aussi la stratégie de gestion des océans. Et puis finalement, il a aussi défini les rôles plus précis. Du rôle du ministère des pêches et océans. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a une loi qui a découlé sur une stratégie et donc dans cette stratégie, il y a certains rôles, cette stratégie a permis de définir certains rôles pour le ministère, pour savoir comment gérer les océans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et, en fait, effectivement, la stratégie sur l'océan du Canada se base sur la loi sur les océans. Donc, parce qu'il y a plusieurs ministères sont responsables de la gestion des océans, mais cette loi-là a défini le rôle de leadership du ministère des pêches et des océans. Donc, finalement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des rôles qui ont été attribués? Est-ce qu'il y a des axes, par exemple, particuliers qui ont été définis dans cette stratégie sur les océans? Cette loi fournit vraiment la base pour la gestion des océans en définissant son territoire, comme j'ai mentionné, et attribuer un rôle du premier plan du ministère des pêches et des océans dans vraiment l'intendance, mais en anglais c'est stewardship des océans du Canada, et puis surtout l'élaboration d'une stratégie nationale pour la gestion, et puis tout en vraiment clarifiant et consolidant le rôle. Mais en quoi consiste concrètement cette stratégie? D'abord, il réaffirme les principes de gestion, les trois qu'on a affirmés dans la loi. La conservation selon l'approche écosystémique présente une importance fondamentale pour la sauvegarde de la diversité biologique. Et aussi, le Canada préconise l'application du principe de la précaution. Et puis, le Canada a affirmé aussi la promotion de la gestion intégrée des océans. Et est-ce que... Parce que, par exemple, est-ce que ça prend en compte tout le savoir autochtone, par exemple, parce qu'ils savent beaucoup de choses sur... ils ont l'habitude de pêcher, ils pêchent depuis longtemps, ils utilisent depuis longtemps les ressources qu'il y a dans la mer. Est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte par le gouvernement, par exemple, pour intégrer toutes les données, aussi peut-être les changements climatiques aussi? Est-ce que c'est aussi des données qui rentrent en compte pour savoir comment gérer les ressources des océans? Tout à fait. Effectivement, le Canada connaît l'importance des connaissances autochtones parce que les autochtones, ils ont toujours entretenu une relation et un lien particulier avec les océans. Même si les autochtones utilisent des concepts et des différents que la science moderne, mais en fait, les connaissances autochtones sont considérés comme une source complémentaire pour la gestion des océans. Par exemple, les observations des autochtones peuvent servir comme, comme des données qualitatives des phénomènes de la qualité de l'environnement au sein de D'accord. C'est vraiment regrettable. C'est un petit peu tout le temps qu'on a pour en parler. Donc, merci beaucoup. Yuan Zhengli. Oui. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile de se prononcer. Donc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion d'élaborer un petit peu plus, parce que là, le temps a été un petit peu tronqué. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'élaborer un petit peu plus sur vos recherches. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on passe vite fait en pause publicitaire sur CKRL au 89,1.